notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu dois compter sur la fidélité de Dieu, mon frère. Les hommes de ce monde peuvent te promettre des choses, mais qui n'accomplissent point. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Attends, ce qu'il t'a promis s'accomplira. Ne baisse pas les mains, ne retourne pas dans le monde. Dieu accomplira sa promesse. Réveille-toi, tu vas commencer à prier l'Éternel. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous allons lire Juges, chapitre 18, 21 à 31. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Juges 18, 21 à 31. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mica, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mica se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les filles de Dan qui se retournèrent et dirent à Mica, « Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement ?» Il répondit, « Mes dieux que j'avais fait, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me restait-il ? Comment donc pouvez-vous me dire, qu'as-tu ?» Les filles de Dan lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jeteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les filles de Dan continuèrent leur route. Mica, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mica et emmenèrent le prêtre qui était à son service. Et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils les passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon. Et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les filles de Dan rebâtirent la ville et ils y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mica pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Elle concerne la futilité ou l'incapacité des idoles de nous protéger. Il y a encore aujourd'hui des gens qui continuent à invoquer des idoles, à continuer à fabriquer des idoles en bois ou à d'autres métaux. Ils les transportent et ils pensent que ces idoles peuvent les protéger. Je parle à toi. Depuis que tu as été nommé, il y a des gens qui te disent « il faut te protéger ». Il faut avoir telle médaille, il faut avoir tel pentacle, il faut entrer dans tel mouvement mystique, il faut porter telle bague, il faut porter telle chaînette. Mon ami, tu es dans l'erreur. Tu dois apprendre à compter sur le seul vrai Dieu. Tu dois te confier à Jésus-Christ, celui le Dieu véritable qui est capable de te protéger. Regardez dans ce passage ce qui est dit de ce Dieu. Parce que les Danites sont partis voler ou enlever de force les idoles qui étaient dans la maison de Mica. Ce Mica s'est confié en ces idoles-là. Mais regardez ce qui est dit au verset 23. Ils appelèrent les filles de Dan qui se retournèrent et dirent à Mica, « Qu'as-tu et que signifie ce rassemblement ?» Écoutez la réponse. Il répondit, « Mais Dieu que j'avais fait, vous voyez, le Dieu que lui a fait, Mica dit, le Dieu que j'ai fait, Dieu, le véritable Dieu, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le fabriquer. Il est le créateur. Mais vous voyez la différence avec les idoles? Ce sont les dieux que l'homme lui-même fabrique, qu'on peut transporter. Et il dit, vous les avez enlevés. Les dieux de ce monde, on peut les enlever. Mais Jésus-Christ de Nazareth, qui peut l'enlever? Je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu connais Jésus-Christ, personne ne peut t'enlever. On peut t'enlever les biens de ce monde, mais on ne peut pas t'enlever Jésus. Mais les dieux de ce monde, les idoles, on peut les enlever. On peut les transporter. Vous voyez la futilité? Voilà pourquoi le psalmiste va dire, les dieux des peuples sont des idoles. Ils ont des bouches, mais ne parlent point. Ils ont Dieu, ne voient point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Ils ne peuvent sauver, ils ne peuvent délivrer. Tous ceux qui se confient en ce Dieu-là sont dans l'erreur. Revenez à l'Éternel et confiez-vous au vrai Dieu qui est capable de sécuriser votre vie, qui est capable de vous protéger. Deuxième vérité, faisons attention à la loi du talion, à la loi du plus fort. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui vivent selon la loi du talion, la loi du plus fort. Parce que je me connais avec telle autorité, je peux ravir les biens d'autrui. Parce que je suis le petit frère de telle autorité ou de telle autre, je prends un terrain de force. Je prends le bien de quelqu'un de force. Et si la personne vient me demander, je dis voilà, je suis le petit frère de telle personne, je me connais avec tel juge, avec telle autorité, on risque de te mettre en prison. Ça, ce n'est pas bon. Nous devons savoir qu'une société ne peut pas vivre, ne peut pas être régie par cette loi du plus fort. Nous devons chercher à vivre selon l'intégrité, selon la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Bannissons ces comportements. Écoutez ce qui est dit ici. Verset 25. Les filles d'Édan lui dirent, ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon... des hommes irrités se jetteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison. Ça, c'est la réponse que donnent les filles de Dan. Ceux qui ont enlevé les dieux de Mika. Il est vrai que même si ces dieux étaient des idoles, mais c'était des propriétés de Mika. C'est quelqu'un qui réclame ces choses. Et voici la réponse qu'on lui donne. On lui fait des menaces. Ce n'est pas normal. Ça, c'est la loi du plus fort. Et Mika... ayant peur, il a vu que les autres étaient plus forts que lui et il est revenu, il a laissé tomber. Le verset 26 dit, « Et les filles d'Édan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. » Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Parce que tu te connais avec une autorité judiciaire. Tu as ravi la maison d'autrui, tu as ravi le terrain d'autrui. Tu as ravi les biens d'une veuve et des orphelins. Mais parce que tu te connais avec une autorité judiciaire et tu es là, tu dis personne ne peut me faire quoi que ce soit. Laisse-moi te dire, l'Éternel te dit aujourd'hui par ma bouche, tu dois restituer les biens d'autrui que tu as pris de force. Sinon tu risques de finir mal ta vie parce qu'il y a un Dieu qui est juste. Il exerce la justice sur cette terre. Il est au-dessus de la justice humaine. Troisième vérité, faisons attention au péché d'idolâtrie. Ces péchés d'idolâtrie s'accompagnent souvent d'autres péchés, des actes de violence. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque les gens s'adonnent à l'idolâtrie, ils sont souvent obligés de faire des massacres. Ils sont parfois obligés de faire des sacrifices humains. Il y a la violence, il y a l'égoïsme, il y a la débauche, il y a toutes sortes de péchés qui caractérisent. Parce que lorsque on vit, on invoque les idoles, il y a des esprits méchants qui sont derrière. Ces esprits agissent avec violence, poussent ceux qui s'adonnent à ces actes d'idolâtrie, ceux qui s'adonnent au culte idolâtre, à commettre des actes ignobles. Vous voyez, les Danites ici, eux, ils avaient avec eux des idoles qu'ils ont volées. Et vous allez voir avec quelle violence ils vont commettre des actes dans la ville qu'ils vont trouver. Au verset 27, il est dit, « Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et émenèrent les prêtres qui étaient à son service et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils les passèrent aux filles de l'épée. Ils brûlèrent la ville, vous voyez. Ils tombent sur un peuple, la Bible dit qu'un peuple tranquille et en sécurité, et ils brûlent la ville. Ils s'emparent de la ville. Vous voyez. Et au verset 30, il dit, « Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites, jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. » Et nous devons faire attention. Parfois, nous pouvons servir Dieu dans le contexte d'idolâtrie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous éloigner de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Parce que Dieu est l'idolâtrie. La Bible déclare, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Nous devons adorer le seul vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Il est jaloux. Il ne veut pas que nous puissions adorer d'autres divinités. Il ne veut pas que sa gloire soit attribuée à un autre ou à des idoles. Nous allons le louer aujourd'hui en chantant ce cantique. Hosanna. Sera toujours dans ma bouche. El Shaddai, le Dieu qui combat pour moi de la poussière, il m'a retiré du fumier, il m'a relevé de la maladie, il m'a restauré de la pauvreté, il m'a conduit à la richesse. Hosanna. Papa Nanga, Azazambe. gloire au Seigneur. Il est digne de louange. Il est le seul vrai Dieu. Il est incomparable. Il ne peut être comparé aux idoles. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas bénir ce Dieu. Tu vas le célébrer. Élève ta voix. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Seigneur, toi l'alpha et l'oméga, toi le Dieu qui ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le seul digne d'être élevé, le seul digne d'être adoré, le seul digne d'être glorifié. Ô Seigneur, nous voulons t'élever dans nos vies et merci ô Éternel notre Dieu de nous aider à nous éloigner de l'idolâtrie et nous voulons réellement t'adorer, t'élever toi seul dans nos vies et autour de nous. Sois béni toi le Dieu tout-puissant, le Dieu juste. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Oh, nous bénissons ton nom, notre Seigneur, toi le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, mais qui a choisi de traiter alliance avec nous, des faibles créatures. Nous bénissons ton nom pour cela et nous te glorifions, nous te magnifions. Merci, oh Seigneur, toi qui nous délivres jour après jour de nos méchants adversaires. Sois béni, toi le Dieu qui nous aide également à te ressembler pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Le texte du jour, se juge chapitre 18, 21 à 31. Ce passage nous montre l'incapacité des idoles de ce monde de nous protéger. Les idoles que l'on fabrique ne peuvent protéger quelqu'un, ne peuvent sauver quelqu'un, ne peuvent délivrer quelqu'un. Nous allons prier pour tous ceux qui se confient encore à ces idoles-là, afin qu'ils puissent se repentir. Nous allons prier particulièrement pour ceux qui occupent des postes de responsabilité, depuis les chefs du village et à tous les niveaux. Souvent, lorsque les gens occupent des postes de responsabilité, ils se confient aux idoles. Ils pensent que ces idoles peuvent les protéger. Ils entrent dans les mouvements mystiques. Prions l'Éternel afin que Dieu les touche et qu'ils aident à se repentir et à se confier au vrai Dieu. Prions le Seigneur. Amen. Oui, nous devons faire attention à la loi du plus fort. Nous devons cultiver la justice et l'intégrité. Nous allons prier pour que cet esprit d'injustice, de violence soit banni du milieu de nous et que tous ceux qui se sont accaparés de biens d'autrui par la force puisse les restituer, puisse les remettre au nom de Jésus. Et prions par la même occasion pour toutes nos autorités judiciaires, ceux-là qui exercent la justice, pour qu'ils puissent vraiment dire les droits et qu'ils puissent éviter toute forme de corruption, afin qu'ils puissent exercer la justice selon Dieu et selon la loi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci parce que tu es le véritable juge. Tu es le Dieu qui accorde la justice et tu es un Dieu juste. Tu es merveilleusement grand et tu exerces toujours ta bonté et tes droits au milieu de ton peuple. Ce matin, je me lève contre toute œuvre d'injustice dans nos familles, toute œuvre d'injustice dans nos sociétés, dans nos pays, au nom de Jésus-Christ. Je me lève dans le sang de Jésus pour arrêter tout pouvoir, oh Dieu, tout pouvoir de s'accaparer des biens d'autrui injustement, de pouvoir prendre ce qui ne t'appartient pas. Seigneur, ce matin, aide quelqu'un, fortifie quelqu'un, car son secours vient de toi. Nous n'avons personne, nous ne comptons sur toi et sur toi seul. Merci de faire reculer au milieu de nous les œuvres de l'injustice, les œuvres des hommes qui semblent être plus forts. Détruis leurs plans, détruis leurs projets, fortifie nos foies, aide-nous de posséder par ta parole, par la foi, ce que tu nous recommandes, de posséder notre héritage de santé, de posséder notre travail, nos entrailles, toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir comment les péchés d'idolâtrie s'accompagnent avec d'autres actes ignobles. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous savons que souvent, quand nous approchons à la fin de l'année, il y a souvent des actes bizarres que l'on constate. Il y a des morts un peu bizarres. Il y a des accidents un peu au niveau de la population. C'est comme si dans le monde des ténèbres, il y a ceux qui se livrent aux actes pour sacrifier des hommes. Mais nous allons prier pour arrêter cela. Arrêter cela pour neutraliser ces esprits méchants de sacrifices humains. Nous allons prier pour demander au Seigneur de couvrir notre nation, de couvrir notre village, de couvrir nos enfants, notre famille par le sang de Jésus-Christ, afin que personne ne soit sacrifié au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous voulons ce matin, notre Dieu, notre Père, reconnaître ton autorité sur nos vies. reconnaître ton pouvoir, ta seigneurie, reconnaître que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu protecteur, le Dieu sauveur. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, élévation à toi et majesté à toi. Tu as créé l'homme à ton image et la vie se trouve dans le sang, comme tu l'as dit, et la vie doit être préservée. Mais à cause du pouvoir, à cause de l'argent, à cause de ce que nous savons aujourd'hui, beaucoup font des sacrifices humains. Notre Dieu, notre Père, enlève la vie en cela que tu as créé. Nous te prions, Seigneur, que ces choses soient arrêtées dans nos familles. Au nom de Jésus de Nazareth, soit arrêté dans nos sociétés, soit arrêté dans nos églises, soit arrêté dans nos pays, soit arrêté partout. Seigneur, que ton pouvoir s'exerce, empêche ces hommes-là, notre Dieu, notre Père, lorsqu'ils vont vouloir attenter à la vie des hommes, que leurs mains soient renversées, que leur pouvoir soit brisé, que leur pouvoir soit sans effet. Ne leur donne pas cette occasion, Seigneur, que ce qu'ils prévoient retourne contre leur propre vie et la vie de leurs enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.